France Inter. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Berlin déchiré, l'histoire de la construction du mur. Imaginez seulement un instant. Vous habitez dans une ville. Un matin, en vous réveillant, au pied de votre immeuble, vous découvrez que des barbelés ont été construits infranchissables sous peine de perdre la vie. Pourtant, de l'autre côté, il y a un pan entier de cette vie, la vôtre, famille, amis, amoureux ou amoureuses, terminé, on ne passe plus. Et si on passe, les proches qu'on laisse, on ne les reverra plus avant longtemps. Eh bien, c'est ce qu'ont vécu les Berlinois en août 1961. Le 13, au réveil, ils voient des colonnes de policiers qui quadrillent les abords orientaux de la ligne de démarcation coupant la ville en deux parties. Des policiers du peuple, les Vopo, selon le diminutif de leur nom en allemand, installent des plots à distance régulière et déroulent du fil barbelé. Les routes sont barrées et les lignes de tramway et de métro arrêtées. C'est le début d'un enfermement qui durera 28 ans, une éternité, qui est aussi l'époque de toutes les audaces, de tous les exploits pour ceux qui l'ont franchi, ce mur, au péril de leur vie, bien sûr, et que de drames. Berlin coupé en deux, Berlin balafré, la ville devient alors l'épicentre visible de la guerre froide, son symbole, qui donnera la température du monde jusqu'au soir du 9 novembre 1989, quand le mur tombe, sidérant le monde, tout comme il l'avait sidéré lors de sa construction. Notre invitée aujourd'hui, Emilia Robin, historienne, chercheuse à UMR Sirius, spécialiste de la guerre froide. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Sylvie Fagnard. Rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante. Réalisation, Stéphane Combe. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter. On a vu des choses en grand, Platz der Republik. Une immense scène fait face au Reichstag, au centre de Berlin. Nous sommes côté ouest, au pied du mur, à quelques mètres de la colossale porte de Brandebourg, l'un des points névralgiques de la frontière qui coupe la ville en deux. Trois jours de concerts sont prévus, ces 6, 7 et 8 juin 1987. Les plus grandes stars vont se produire. Le groupe Genesis, Nina Hagen, Neil Young. La ville fête en grande pompe le 750e anniversaire de sa fondation sur un marais sablonneux en 1237. Entre l'Est et l'Ouest, c'est la concurrence des festivités tout au long de l'année. Côté communiste, on façonne la ville en reconstruisant, par exemple, un immense quartier moyenâgeux autour de la vieille église Saint-Nicolas. Côté occidental, cette semaine de début juin 87 doit constituer l'un des points d'orgue des célébrations. Avec du rock, pour appuyer le symbole qu'est devenu Berlin-Ouest, une enclave de liberté dans un océan d'oppression communiste. Ce 6 juin 1987 à 22h, David Bowie, trônant sur un fauteuil, descend du ciel en majesté. Il atterrit sur scène, entièrement vêtu de rouge. En allemand, il s'adresse aux 60 000 jeunes berlinois venus l'écouter face au Reichstag. Puis il dit quelques mots à l'adresse des Auf der anderen Seite, comprenez ceux de l'autre côté. Pendant les balances, la star britannique a demandé que des haut-parleurs soient dirigés vers l'Est pour que sa musique s'entende par-delà le mur. Oui, il veut que les Berlinois, de l'autre côté donc, profitent également de la musique. Wish I could swim like dolphins can swim. Alors la foule s'embrase aux premières notes de Heroes que le chanteur a justement écrite ici, à Berlin, à Schöneberg, au sud de la partie ouest allemande de la ville. Debout au pied du mur, et les fusils tirant au-dessus de nos têtes, et nous nous embrassions comme si rien ne pouvait arriver. Et la honte était de l'autre côté, chante-t-il au pied du mur. De l'autre côté, à l'est, ils sont quelques centaines à se rassembler. Des jeunes à l'allure décadente, note un agent de la Stasi. Alors ils sont rapidement dispersés. Mais ils sont 1 000 000 le lendemain, puis 3 000 le surlendemain, alors que la musique provient toujours en force de l'ouest. Ils en appellent à Gorbatchev, scandant Gorbi, Gorbi, puis le mur doit tomber. La police anti-émeute fonce dans le tas à coups de canon à eau. Quelques jours plus tard, le 12 juin, une autre scène grandiose est installée face à la porte de Brandebourg. Elle est cette fois réservée au chef d'État. Premier allié de l'Allemagne de l'Ouest, Ronald Reagan trône au centre de la tribune. Et il a le même message à adresser au secrétaire général de l'URSS, Mikhail Gorbatchev. Derrière moi se dresse un mur qui encercle les secteurs libres de cette ville et qui fait partie d'un vaste système de barrières qui divise tout le continent européen. Secrétaire général Gorbatchev, si vous cherchez la paix, si vous cherchez la prospérité pour l'Union soviétique et l'Europe de l'Est, si vous cherchez la libéralisation, venez ici, à cette porte. Monsieur Gorbatchev, ouvrez cette porte. Monsieur Gorbatchev, démolissez ce mur. Deux rangs derrière le président américain, un homme savoure. La démolition de ce mur, il n'attend que ça. Quelques heures avant ce discours qui restera dans l'histoire, Ronald Reagan a chaleureusement salué cet homme dans l'une de ses longues accolades dont les Américains ont le secret. Puis Reagan s'est tourné vers sa femme, Nancy, et lui a dit « Je te présente Konrad Schumann, l'homme qui a vaincu le mur ». Cette photo où il serre très fort les mains du président américain, Konrad Schumann la conservera tout le reste de sa vie. Mais c'est une autre qui l'a rendu célèbre. Une photo qui justifie sa présence auprès de Ronald Reagan, là, à cette tribune, devant la porte de Brandebourg. Un cliché qui a fait le tour du monde. On y voit la silhouette d'un jeune policier est-allemand franchissant les barbelés d'un grand bond vers l'ouest. Cet officier, c'est lui, Konrad Schumann. Et pour comprendre ce saut héroïque, il faut remonter plusieurs années en arrière. 42 ans, pour être exact. Autrement dit, en mai 45, alors que les troupes soviétiques entrent dans un Berlin dévasté par les bombardements. Hitler s'est donné la mort dans son bunker, et l'Allemagne, qui l'a mené à la ruine, entre à genoux dans la Nullstunde, cette année zéro qui marque la frontière temporelle entre le Reich nazi, désormais anéanti, et la suite, encore inconnue. Dans ce temps suspendu, l'horreur se vit sur chaque trottoir de cette ville qui n'est plus que ruine, dont plus aucun immeuble ne tient debout. Dans son livre « Un enfant perdu de la Révolution », l'historien Wolfgang Leonhardt raconte son entrée dans Berlin le 2 mai 1945 dans le sillage de l'armée rouge. Nos voitures se frayèrent un passage à travers Friedrichsfeld en direction de Lichtenberg. La scène était comme une vision de l'enfer. Ruines en flammes et silhouettes faméliques se traînant dans des vêtements en loques. Soldats allemands hébétés paraissant avoir perdu toute idée de ce qui se passait. Soldats de l'armée rouge chantant avec allégresse et souvent ivres. Femmes nettoyant les rues sous la surveillance de soldats de l'armée rouge. Queue interminable attendant avec patience de remplir un seau d'eau aux pompes. Et tous avaient l'air terriblement fatigués, affamés, tendu et démoralisé. Les vainqueurs s'emparent du destin des vaincus. Après Yalta, en Crimée, c'est à quelques encablures de Berlin, dans la ville de Potsdam, que les Alliés dessinent le monde de l'après-guerre. Les accords signés le 2 août 1945 par les trois grands, États-Unis, Grande-Bretagne, Union soviétique et par la France, que le général de Gaulle a réussi à arrimer dans le camp des vainqueurs, prévoient la partition de l'Allemagne en quatre zones. Même régime pour la capitale, Berlin. Quatre districts délimitent désormais la ville, une pour chaque allié. Les accords de Potsdam ne mentionnent pas les règles de circulation d'une zone à l'autre, ce qui va laisser, on le verra, beaucoup de champ à l'arbitraire. L'Allemagne dépecée baigne dans une pauvreté extrême. Mais personne ne pleure la situation des Berlinois au cours de cette année 1946. L'Europe entière souffre dans cet immédiat après-guerre. Le vieux continent est même au bord du gouffre sur le plan économique, incapable de reconstruire ce qu'il a détruit tout au long de cette guerre. En juin 1947, le secrétaire d'État américain, le général George Marshall, annonce que son pays propose de financer un plan de redressement de l'Europe. l'histoire retiendra le nom de Plan Marshall. Elle en fera également le premier acte de la guerre froide, qui allait façonner les relations géopolitiques mondiales pendant près d'un demi-siècle. Dans l'esprit du président Truman, le plan Marshall est un outil pour endiguer le communisme, la nouvelle doctrine des États-Unis et de son président, donc Harry Truman. Mais les dollars déversés ne suffisent pas à redresser la zone des trois alliés occidentaux en Allemagne, la partie ouest du pays. L'argent, le vieux Reichsmark de la République de Weimar, est devenu monnaie de singe. Ce sont les soviétiques qui ont récupéré les prêts de la banque centrale du Reich. Et ils font gaillardement tourner la planche à billets. Une cigarette vaut plus que ses pauvres devises. Le tabac sert désormais de monnaie d'échange, officieuse. Le 18 juin 48, les Anglais, les Américains et les Français abandonnent le Reichsmark dans leurs zones respectives, place au Deutschmark. Mais Staline voit rouge. Une nouvelle monnaie, qui plus est en vigueur dans une partie seulement du territoire allemand, c'est une violation évidente des accords de Potsdam. Alors quand les alliés occidentaux, une semaine plus tard, annoncent l'introduction de cette nouvelle devise dans leur zone de Berlin, le vase déborde à Moscou. Et les conditions de circulation entre les zones se tendent. Subitement, tous les accès à Berlin-Ouest se bouchent. Les autorités ne font aucune annonce officielle. Pour expliquer les lignes de chemin de fer fermées, par exemple, on évoque des problèmes techniques. Les routes hors d'accès, dues à des travaux nécessaires. Pareil pour les centrales électriques qui alimentent la partie occidentale de la ville. Sans le dire explicitement, l'URSS vient d'imposer un blocus sur Berlin-Ouest. En empêchant tout transit de personnes ou de marchandises d'entrée, l'Est cherche à asphyxier ses habitants. 2,5 millions de Berlinois sont ainsi menacés de famine. La riposte occidentale va venir des airs. À Berlin, à la suite des récentes mesures prises par les autorités soviétiques, les transports sont menacés d'arrêt complet. Et ces images de tramways bondés sont peut-être les dernières que les Berlinois verront d'ici de longs jours. Comme en un match, revanche, les alliés de l'Ouest, marquant point pour point, ont mobilisé pour subvenir aux exigences du ravitaillement de la ville une véritable armada aérienne. Chargés de blé et de viande, les appareils se succèdent sur les pistes à la cadence jamais atteinte d'un atterrissage toutes les 2 minutes. Pour la première fois dans l'histoire, une ville de 2 millions d'habitants voit sa consommation de charbon assurée par les airs. Effort prodigieux qui permet de décharger chaque jour les 300 tonnes de combustible nécessaires à la vie de Berlin. Nouvel épisode de cette lutte d'influence qui oppose les alliés dans la capitale d'un pays vaincu. Le point aérien use la détermination de l'URSS. Le blocus est levé le 12 mai 1949, mais le paysage de la guerre froide s'est installé, avec sa suite logique. La division d'Allemagne, qui ne va pas tarder à être actée. Le 23 mai 1949 est créé sur les zones américaines, britanniques et françaises, une République fédérale d'Allemagne, capitale Bonn. 6 mois plus tard, l'Est réplique avec la création de la République démocratique allemande, le 7 octobre 1949, capitale Berlin-Est. Le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est peuvent désormais officiellement se jauger, se regarder en chien de faïence, et Berlin devenir, d'un côté comme de l'autre, de la ligne de démarcation, une vitrine pour son propre camp. Bien, mais un événement va venir casser la réputation de paradis des travailleurs auxquels les dirigeants veulent faire croire. En juin 53, en effet, une partie du secteur Est de Berlin retentit de bruits de travaux. Des bâtiments du plus pur style soviétique émergent pour former une allée gigantesque, la Stalinallee. Le dictateur soviétique est mort 6 mois plus tôt. Le Berlin communiste veut le célébrer. Mais les cadences imposées aux ouvriers sont intenables. Alors ils commencent à défiler en ville pour crier leur mécontentement. Et d'autres travailleurs se joignent au cortège. Et pour cause. Le parti communiste aux manettes à l'Est vient d'augmenter les objectifs de productivité des usines d'État. On réclame aux ouvriers 10% de production supplémentaire. Leur salaire, lui, reste inchangé. Travailler plus pour gagner moins. Le lendemain, le 17, puis le surlendemain, le 18 donc, les cortèges grossissent. Des dizaines de milliers de Berlinois protestent. Certains même brandissent des panneaux où l'on peut lire « Barbichette dehors ». Barbichette, c'est Walter Ulbricht, le chef de l'État. Dans la foule, on crie également « On veut des élections libres ». Alors, pour mater la rébellion, les communistes choisissent la méthode forte. Mais en Europe, un événement d'une portée extraordinaire a troublé le silence des peuples. Dans la zone soviétique de Berlin, plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers exaspérés par les décisions du gouvernement communiste d'augmenter sans contrepartie les normes de travail se sont soudain soulevés. La police populaire a dû protéger les meneurs communistes que malmenait la foule. Des immeubles de l'administration soviétique ont été incendiés. Le drapeau rouge qui flottait sur la porte de Brandebourg était arraché et remplacé par les couleurs allemandes. Ce geste déclenchait alors l'intervention des forces russes. Et les chars, à la suite des voitures de police, ouvraient le feu. Les informations soviétiques parlent de 18 morts et de 200 blessés. Ces manifestations de Berlin-Est ont eu des échos dans toute la zone soviétique où d'autres manifestations du même genre se sont déroulées. Une Allemagne orientale imprévue se découvre. Ils sont en fait des centaines, sans doute 300 selon les estimations établies après la réunification du pays. 100 000 hommes sont arrêtés, 200 meneurs sont fusillés. Le 17 juin 1953 résonne comme une alerte à ce qui se passera 3 ans plus tard à Budapest et 15 ans plus tard, en 68, à Prague. Le message adressé à tous les Allemands de l'Est, Berlinois compris, se passe de développement. On ne manifeste pas. Dans les démocraties populaires, démocratie populaire, un mensonge total en forme de slogan. De ce côté de la nouvelle frontière séparant l'Allemagne en deux, les droits fondamentaux comptent moins que la stabilité du régime. Et l'émotion est grande dans les médias occidentaux. On ne peut pas en dire autant sur le terrain diplomatique, où les réactions sont, disons, minimales. En même temps qu'il prend conscience de la dictature qui prend forme, le peuple de la RDA reçoit aussi le message de l'Occident. Personne ne prendra le risque de déclencher une guerre avec l'URSS pour préserver leur liberté. En miroir de cet enfermement, Berlin-Ouest, toujours sous bonne garde de 11 000 soldats américains, français et anglais, devient un bastion de liberté. Et c'est le principal point d'entrée vers une vie libre. En vérité, c'est tout le paradoxe de la situation. Berlin-Ouest est libre, certes. Mais c'est elle qui est enfermée, encerclée, puisqu'elle se trouve sur le territoire est-allemand. Mais c'est aussi la ville d'où l'on peut sortir librement pour se rendre dans toutes les autres villes et pays occidentaux. Berlin-Ouest n'est enfermée que géographiquement. Et il en est autrement, bien sûr, pour les Allemands de l'Est et pour les Berlinois de l'Est. Depuis le début des années 50, la frontière courant de la Baltique à la Tchécoslovaquie est sous bonne garde, protégée par des kilomètres de barbelés. Pour passer ce rideau de fer, métaphore churchillienne, les Allemands de l'Est ne peuvent plus se contenter de présenter des papiers d'identité. Non, il faut aussi qu'ils justifient leur voyage à l'Ouest. Sauf à Berlin. Dans la capitale, la frontière est dans toutes les têtes. Mais elle n'est pas matérialisée. Les rues sont bardées de panneaux en quatre langues, annonçant l'entrée dans une zone ou marquant la fin d'une autre. Mais rien n'empêche, pour l'instant, de passer de l'une à l'autre. Les lignes de métro sont les mêmes qu'avant-guerre, comme les tracés du tramway. Alors, tous les jours, des centaines de Berlinois franchissent la ligne de démarcation dans l'un ou l'autre sens. Pour le travail, pour étudier, ou encore pour rendre visite à des proches. Mais ce n'est que provisoire. Pour des Berlinois de l'Est, de plus en plus nombreux, le voyage est parfois sans retour. Via Berlin, depuis 1949, des centaines de milliers d'Allemands passent à l'Ouest. Ils sont 200 000 au cours de l'année 1960. Une large bâtisse blanche accueille ses candidats à l'exil dans le quartier de Marienfeld, dans la zone américaine. Là, ils subissent un long interrogatoire des agents de la CIA, qui passent ensuite le relais au contre-espionnage ouest-allemand. Ils doivent aussi se méfier de leurs camarades, car parmi eux se cachent parfois des membres de la Stasi, qui surveillent sa population jusqu'au bout. Une fois leurs intentions décryptées, et ceux qui veulent partir ont tout intérêt à se montrer très anticommunistes, on les laisse installer dans un des Länder de RFA. Pour Willy Brandt, le maire de Berlin-Ouest, les raisons de ses départs sont évidemment politiques. Et il exprime cette conviction lors d'une visite au centre de Marienfeld en 1960. Le monde ne doit jamais oublier que des centaines d'Allemands abandonnent leur maison. Nous avions jusque-là l'habitude d'accueillir 400, 600 réfugiés par jour. Mais récemment, leur nombre a atteint plus de 1000 par jour. C'est un plébiscite permanent. Les gens, en quittant Berlin-Est, votent avec leurs pieds, contre le régime qui ne leur donne pas la possibilité de voter normalement. Le flot ininterrompu de réfugiés sert la propagande de l'Ouest qui ne s'en prive pas. Les déserteurs de la République, comme on les nomme officiellement, à l'Est, mettent sérieusement à mal la réputation du système communiste. Au total, de 1948 à 1961, 3 millions de personnes passent à l'Ouest, soit un sixième environ de la population est-allemande. Les plus diplômés, les hommes jeunes, sont les premiers à s'enfuir en masse. Situation intolérable pour le pouvoir est-allemand. Il faut donc faire cesser cette hémorragie, coûte que coûte. Wir tragen Sterne, wir tragen Herzen, wir wollen lachen und wollen scherzen, dann wieder weinen und traurig scheinen. So muss das sein, so wird das sein, so muss das sein, so wird das sein, so muss das sein, so wird das sein, so muss das sein. So wird das sein, so muss das sein, so wird das sein. Aujourd'hui, la construction du mur de Berlin. Affaires sensibles sur France Inter. L'Allemagne de l'Est se vide de ses habitants. Il faut absolument colmater la brèche, Berlin. Les dirigeants de la RDA en sont persuadés. D'autant qu'à Moscou, la mort de Staline en 1953 n'a pas fait varier la doctrine soviétique. Et pour le nouveau maître du Kremlin, Nikita Khrouchtchev, Berlin-Ouest, sous coupe américaine, c'est une dent cariée qu'il faut extraire. Et l'URSS a un plan. Évacuer Berlin de toutes ses forces d'occupation militaire, celles des quatre alliés, et en faire un territoire neutre. Mais Monsieur K se fait envoyer sur les roses par les Occidentaux, parce que personne à l'Ouest ne croit à la neutralité d'une ville de Berlin cernée par un océan communiste. Face au refus occidental, Moscou donne le feu vert à un enfermement politique de Berlin-Est, tant attendu par les autorités est-allemandes. À la fin du printemps 61, les cerveaux du SED, le parti communiste tout-puissant de RDA, commencent à mettre sur pied, et en secret, l'opération Muraille de Chine. Une opération tenue secrète. Le 15 juin 61, Walter Ulbricht, le dictateur est-allemand, assure même lors d'une conférence de presse que personne n'a l'intention de construire un mur, pensez donc. Mais habitué au double langage de leurs dirigeants après 15 ans de RDA, les Allemands de l'Est entendent le contraire. un mur va être construit. Vite, il faut s'enfuir. Où l'on voit des familles envahir le métro, le bus, elles traînent ou deux valises, le minimum pour refaire sa vie à l'ouest. Les policiers, eux, reçoivent des consignes. Toute personne transportant trop d'effets personnels doit être renvoyée chez elle. Et son nom dûment consigné est immédiatement transmis à la Stasi. Le samedi 12 août, à 22h30, les premiers ordres fusent depuis le quartier central de la police. 60 000 Vopo, forces de l'ordre est-allemande, sont dépêchés pour ériger des barrières. Et le 13, à 1h30 du matin, ils commencent à dérouler du barbelé le long de la ligne de démarcation. Au petit matin de ce dimanche 13 août, Berlin se réveille avec une longue balafre. Les Occidentaux n'en reviennent pas. Inter, actualité. Parlons donc de Berlin, puisque Berlin domine et de loin toute l'actualité de ce dimanche 13 août. Depuis le milieu de la nuit dernière, les téléscripteurs et les téléphones n'ont pas cessé de cliqueter, de sonner. Au milieu de la nuit, ce que l'on craignait depuis quelques jours s'est produit. Sur ordre des autorités du gouvernement de Pankow, des autorités communistes donc, la frontière entre les deux parties de la ville de Berlin, l'orientale et l'occidentale, a été soigneusement verrouillée. Piquets, barbelés, chevaux de frise, stations de métro fermées, etc., etc. Bref, plus moyen pour un Allemand, quel qu'il soit, de passer de Berlin-Est à Berlin-Ouest. Plus aucun passage n'est autorisé et sous aucun prétexte. En ce dimanche 13 août, une vieille dame pleure dans le hall de la gare de Friedrichstrasse. Son mari empoigne son bras qui tremble sous l'effet de la colère et de l'émotion. Entre eux, une petite fille ouvre des yeux effrayés. Cinq hommes les entourent, trois militaires et deux civils. Et ils sont inflexibles. On fait ce qu'on doit faire, elle ne sortira pas, disent-ils en désignant l'enfant. La petite est venue passer le week-end chez ses grands-parents, à l'Est. Et maintenant que les passages sont interdits, elle devra y rester. Elle ne rejoindra pas ses parents, à trois rues de distance, à l'Ouest. Un policier du peuple, l'un de ces fameux Vopo de RDA, assiste à la scène, de loin, le cœur déchiré par cette scène, justement. Deux jours plus tard, Konrad Schumann, c'est son nom, y pense encore. Il ne cesse d'y penser quand il patrouille avec deux camarades le long de la Bernauer Straße, un endroit stratégique de cette frontière désormais matérialisée. Cette rue est coupée en deux, un trottoir à l'est, l'autre à l'ouest. Konrad Schumann fait les 100 pas. Côté est, il grille cigarette sur cigarette, le cœur en vrac et l'esprit bouillonnant. Puis, subitement, il entame un mouvement. Sa baïonnette en bandoulière, il se met à courir. D'un saut au-dessus de la rangée des barbelés, il passe à l'ouest. Il fait ses premiers pas en zone française, puis il s'engouffre dans une voiture noire. Quelques semaines plus tard, il s'explique à la télévision ouest-allemande dans une émission de propagande occidentale en direction des gens de l'Est intitulée « Die Zone Hadersburg ». Eh bien, j'ai sauté par-dessus les barbelés, mais il m'a fallu environ une demi-heure avant de vraiment prendre une décision. J'ai eu un terrible combat avec moi-même. J'ai fumé une cigarette après l'autre et c'était incroyablement difficile pour moi. J'avais incroyablement peur qu'il m'arrive quelque chose. Et puis j'ai pensé que si mes deux camarades remarquaient quelque chose, ils le signaleraient d'abord avant de tirer. Ils ne seraient pas non plus arrivés à m'arrêter car il y avait au maximum 5 mètres jusqu'au barbelé. Et puis là-bas, à l'ouest, de toute façon, ils n'avaient plus le droit de tirer. Mon sentiment était le suivant, mes nerfs étaient à bout. J'ai énormément souffert en si peu de temps. La fuite à l'avant du soldat Schumann restera gravée dans l'histoire. Côté ouest, un photographe a immortalisé la scène. Sur une photo qui fera rapidement le tour du monde, un homme, casque baissé, manteau militaire au vent, semble voler au-dessus des barbelés, tenant au bout de son bras droit la sangle de son fusil. Rodé par des années d'expérience à couvrir des courses hippiques, le photographe a déclenché son appareil pile au bon moment. Et quand le rédacteur en chef du Bild Zeitung regarde les photos du jeune homme, qui se nomme Peter Leibung, il sait qu'il tient une d'exception. Le lendemain, le soldat Schumann s'affiche sur les devantures de toutes les villes de l'Ouest avec une légende qui appuie là où ça fait mal pour le bloc communiste. Une légende qui dit « Même leurs policiers s'en vont ». Et c'est l'une des photos du siècle. Dans ces premières heures qui marquent la séparation physique des deux Berlins, d'autres fuites s'opèrent, désespérées. Mais revenons à Berlin-Hauerstrasse, là où le soldat Konrad Schumann a fait son saut vers la liberté. Sur son flanc est, des familles entières tentent de quitter leur zone en passant par les fenêtres, elles. Des échappées belles, désordonnées, mais parfois mortelles. Le 16, une femme se casse le cou en sautant du quatrième étage. Elke Rosin, 15 ans, habitait aussi Berlin-Hauerstrasse en ce mois d'août 1961. Ses parents ont décidé de saisir une dernière occasion de fuite. Elle raconte. Les voisins nous criaient de partir rapidement, de laisser nos affaires dans l'appartement pour ne pas se faire prendre par la police des frontières. En particulier pour mon père, qui était resté dans l'appartement pour jeter nos affaires par la fenêtre. Par la suite, j'ai fait des cauchemars pendant des années, que mon père était capturé, que nous ne pouvions pas passer à l'ouest. C'est la scène dramatique que je me suis rejouée tant de fois. Ces premiers morts de la Berlin-Hauerstrasse en annoncent d'autres. Progressivement, au fil des jours et des semaines, un mur en dur remplace les barbelés. On barre les rues définitivement. On mure les maisons situées sur la ligne de démarcation. À l'ouest, personne ne se risque à jouer au va-t-en en guerre, malgré la coupure nette de l'Europe en deux. Dans le secret de son bureau ovale, Kennedy dira « Un mur vaut mille fois mieux qu'une guerre ». Malgré la fermeture drastique de la frontière, des Berlinois sont encore prêts à tout pour passer à l'ouest. Le 17 août 62, Peter Fechter, un jeune maçon, et son ami sont décidés. C'est ce soir qu'ils tentent leur chance. Les Vopos ne remarque pas leur course rapide jusqu'au mur. Mais alors que son camarade le franchit facilement, Fechter, lui, pile devant l'obstacle. Il reste au pied du mur, immobile, de longues secondes, suffisantes pour que le policier est-allemand le mette en joue. Il reçoit une balle dans l'abdomen. La suite, c'est Alain Doko qui la raconte. C'est effrayant, c'est déchirant, c'est lamentable. Les gens accourent tout le long du mur, on est là. Les coudes appuyés sur le mur, on se hisse comme on peut, on le voit. Et ils crient « Venez, venez à mon secours !» Et c'est affreux parce qu'on ne peut rien faire, les Vopos sont là sur leur mirador, l'arme visant. Alors il y a des policiers de l'Ouest qui lui jettent des pansements, mais il est trop faible, il ne peut pas ramper jusqu'à ses pansements. On avertit les Américains, c'est à deux pas du point de passage. « Checkpoint Charlie », comme on dit. Et les Américains téléphonent au général Watson, Watson 2, qui dit « Est-ce qu'ils sont à l'Est ?»« Oui, général, mon général, ils sont à l'Est. Alors n'intervenez pas. » La mort de Peter Fechter glace d'effroi les deux Allemagnes. Tout comme l'inaction des Occidentaux après le drame, la construction du mur n'avait suscité que peu d'indignation de la part du monde libre. La mort en direct du jeune maçon n'entraîne pas plus de réaction, car répétons-le, si toute construction d'un mur est un aveu d'échec politique, dans le cadre de la guerre froide, il est une sorte d'assurance-vie. Il évite la guerre, l'affrontement direct entre les grandes puissances américaines et soviétiques. C'est la définition même de la guerre froide, et ce sont les populations civiles qui payent l'addition. Pour casser les espoirs de tous ceux qui rêvent de partir, les autorités est-allemandes instaurent une zone tampon entre le mur et Berlin-Est. Un espace bourré de pièges mortels pour ceux qui s'y risqueraient. Un dispositif de sécurité effarant que cet ancien officier de la Stasi décrit dans le documentaire de Patrice Rothman, Un mur à Berlin. Ein Flüchtling, der... Un fuyard qui voulait se rendre à l'ouest devait surmonter 11 obstacles, les uns après les autres. Tout d'abord en amont, il y avait la zone frontalière à laquelle il ne pouvait accéder que muni d'une autorisation. Ensuite, il y avait la première barrière. Et à partir de là, celui qui sautait par-dessus cette première barrière sans y être autorisé, il se faisait tirer dessus si on n'était pas parvenu à l'arrêter. Dann gab es ein Grenz- und Signalzoll. Ensuite, il y avait un grillage qui émettait immédiatement un signal si on le touchait. Des fusées et des signaux sonores. Signalraketen und akustische Signale gab es gegeben. Ensuite, il y avait des plaques recouvertes de pointes d'acier. À l'ouest, on appelait ça le gazon de Staline. C'était des pointes très, très acérées. Et des fugitifs qui ignoraient leur existence s'y sont parfois empalés et se sont vidés de leur sang. À partir de là, la situation se fige. C'est le glacis. En dépit de ce système de sécurité draconien, certains Allemands, tout de même, tenteront encore leur chance. Parfois, de façon rocambolesque. Certains creusent d'interminables tunnels sous la ville, d'autres s'envolent en ballons dirigeables. 640 personnes perdent la vie sous les balles des redoutables gardes-frontières de la RDA. Près de 40 000 réussissent leur fuite entre 1961 et 1989, année de la chute du mur. 40 000 Est-Allemands ont ainsi suivi le chemin tracé par Konrad Schumann. Parmi les premiers partis après la fermeture du pays, le soldat de 19 ans, guidé par son instinct, n'avait absolument pas organisé sa fuite. Ses parents, ses proches, ils n'avaient pas pensé qu'il ne pourrait plus les revoir pendant 28 ans. Après son saut du 15 août 1961, Konrad Schumann passe 6 semaines au camp de réfugiés de Marienfeld. Ensuite, direction la Bavière, où l'attend une famille d'accueil. L'Allemand de l'Est fait son trou dans le sud de la République fédérale. Il trouve un emploi à l'hôpital. Il rencontre sa femme, Cunégonde. Et quelques années plus tard, ils ont un fils, Erwin. Mais Konrad Schumann ne peut goûter cette félicité familiale parce qu'il souffre de l'absence de ses parents, de ses oncles, enfin de sa famille. Bon, il reçoit bien quelques lettres de ses parents. Mais il sait qu'il ne doit pas tenir compte de leurs mots, sans doute écrits sous la dictée de la Stasi. Konrad Schumann ne se remet à respirer librement que 28 ans après son évasion. Il est d'équipe de nuit, ce soir de novembre 1989, quand il apprend par ses collègues surexcités que le mur vacille. Oui, le mur tombe. Konrad est à présent vraiment libre. L'ancien soldat du peuple retrouve alors sa famille et son village d'origine en Saxe. Il peut enfin revoir tout son monde et son village d'origine. Ses parents et son frère le serrent enfin dans leurs bras en paix. Mais au village, les regards se font mauvais. Pour ses anciens camarades, Konrad reste un déserteur. Le mur qui a brisé Konrad Schumann et tout son peuple a disparu, mais il restera longtemps dans les têtes. Certaines déchirures ne se reprisent jamais. Le 20 juin 1998, Konrad Schumann se suicide par pendaison. Aujourd'hui, le mur de Berlin, dont nous parlons avec notre invitée Emilia Robin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes historienne et spécialiste de la guerre froide. Avant la construction du mur, comment se passe la gestion au quotidien des quatre zones de Berlin confiées aux quatre vainqueurs de la guerre? Alors en fait, tout a commencé par une occupation militaire. Les armées étant parvenues jusqu'à Berlin, elles occupent le territoire allemand, partagé donc en quatre zones d'occupation soviétique, française, britannique et américaine. Et sur le terrain, c'est une administration militaire qui chapeaute donc l'ensemble du fonctionnement des zones. Et ce sont quatre zones étanches l'une à l'autre. Rapidement, c'est pas tenable. Dès 46, un an plus tard, les deux zones américaines et britanniques fusionnent. Ça sera ensuite la trizone l'année suivante avec la France. Et on va passer en fait à une administration civile qui est en fait un contrôle de l'administration allemande par les quatre puissances occupantes. Mais quand on a un contrôle militaire, comment réagissent les civils? Alors, on imagine que les Berlinois qui ont subi des bombardements, toute l'horreur que représentent des bombardements pour des civils, sont soulagés de plus prendre des bombes sur leur toit. Mais enfin, on voit bien que leur pays, leur ville est administrée par des étrangers. Comment ça se passe? Rapidement, les autorités, c'est pas le rôle des militaires d'administrer des villes. Donc, rapidement, il y a des structures qui se mettent en place pour administrer, vraiment de manière très concrète, l'état civil, les ordures, d'accord, la reconstruction, et progresser rapidement. Il y a des comités de quartier, des équivalents de mairie, enfin, toute une administration qui se remet en place parce que la vie doit continuer. Du point de vue des Berlinois eux-mêmes, on est dans un contexte post-guerre extrêmement dur, avec effectivement des pénuries, on dort dans des caves, dans des abris de fortune, l'arrivée d'armées, quelles qu'elles soient, n'est jamais tendre, l'armée rouge est connue pour la grande vague de viols qu'elle a commise dans son avancée vers l'Allemagne. Donc oui, au quotidien, il y a un certain nombre de pénuries, d'exactions, de manipulations diverses, de marchés noirs, et puis de survie au jour le jour. Alors l'invasion de la Corée du Sud, côté politique maintenant, hein, l'invasion de la Corée du Sud par la Corée du Nord est une claque pour le camp occidental. Ça se passe en juillet 1950 et ça donne des craintes sur le cas allemand qui serait dans une situation comparable à celle de la Corée. C'est ce qu'on pensait du côté occidental. Vous confirmez, il y avait ce sentiment-là? Il y a un parallèle évident, à savoir que la Corée du Nord est sous influence soviétique avec un gouvernement pro-soviétique et la Corée du Sud avec un gouvernement pro-américain. On a une Allemagne de l'Est occupée par l'URSS et alliée de l'URSS, une Allemagne de l'Ouest pro-occidentale. Dans les deux cas, c'est un pays qui vient d'être divisé quelques années auparavant. L'une des moitiés attaque l'autre pour une réunification. Le parallèle est immédiat et il y a donc cette grande crainte que puisque de toute évidence les grandes puissances, enfin, l'URSS et la Chine ont laissé, voire encouragé, voire ordonné l'attaque du Sud par le Nord, alors peut-être la même chose nous guette sur le front allemand. Alors, quelles sont les marges de manœuvre du pouvoir est-allemand, avec à sa tête Walter Ulbricht, par rapport à Moscou? Est-ce que c'est totalement téléguidé? Ça dépend des époques. Au début, c'est téléguidé? C'est extrêmement progressif. Donc, le contrôle est constant. L'armée rouge est présente. Il y a, il me semble, un soldat soviétique pour 10 Allemands. Donc la proportion, la quantité, la présence militaire de l'armée rouge est extrêmement importante dans la zone de l'Est. D'autre part, il y a un contrôle politique, mais il faut aussi voir que le parti communiste est-allemand au pouvoir, le SED, est pro-soviétique. Donc, oui. Ils ont passé la guerre en exil en URSS ou dans les prisons nazies. Et donc, ils partagent la même vision du monde. Ils partagent la même idéologie et ils ont des visions complètement convergentes sur ce qu'il faut faire et sur ce que doit devenir l'État. Et ensuite, à mesure que un État est-allemand se construit, à mesure que l'URSS change, la mort de Staline est quand même un tournant avec on passe une forme de guerre froide très dure à la coexistence pacifique, qui n'est pas la fin de la guerre froide, mais la compétition par d'autres moyens. Donc progressivement, une plus grande marge de manœuvre apparaît pour les différents États d'Europe de l'Est. La voie polonaise avec Gomulka, la voie hongroise ou la voie roumaine sont trois manières de concevoir le socialisme qui feront des réalités très différentes, globalement différentes sur le terrain, mais tant que ça ne la menace pas, la cohésion et la sécurité du bloc oriental. Et de ce point de vue, la RDA, c'est un peu le meilleur élève, plus orthodoxe par rapport à Moscou. Et alors, la guerre froide est une dialectique. Hein. C'est vraiment les ennemis de mes ennemis sont mes amis, et les ennemis, je les connais. Et est-ce que Berlin, dans cette logique-là, représente vraiment à la fois un échantillon de ce qu'est la guerre froide et la partie la plus visible de ce qu'est la guerre froide. Ça coche toutes les cases de la guerre froide, hein, Berlin. C'est un très bon emblème, hein, parce que sur un territoire se retrouve à la fois la dimension un peu folle de la guerre froide, qui est qu'un micro-incident peut dégénérer en guerre mondiale, hein, et l'absurdité d'une division en deux blocs est incarnée par ce mur. Néanmoins, la guerre froide est quand même plus complexe que ça, parce qu'elle a des phases, parce qu'il y a tous les interstices, il y a toutes les alternatives à la guerre froide, tous les contacts est-ouest, qu'ils soient commerciaux, culturels, étudiants, sportifs, ou autres, économiques, qui finalement maintiennent des contacts entre les deux blocs. Et puis il y a tous ceux qui ne rentrent pas dans cette logique des deux blocs. Il y a un tas de problématiques mondiales au Moyen-Orient, les questions ou en Afrique ou autre, où les dynamiques propres, religieuses, économiques, nationales, sont pas une alternative, mais sont une dimension plus complexe, complexifie, c'est plus complexe que juste une opposition et une coupure du monde en deux blocs. Alors il y a aussi dans la guerre froide ce concept d'équilibre de la terreur, ça c'est nucléaire, mais c'est aussi un raisonnement, et on le voit avec les États-Unis, qui disent on ne va pas risquer une guerre pour sauver la liberté des Allemands de l'Est. C'est un peu... Chacun fait un peu ce qu'il veut de son côté. Tu me laisses faire ça, je fais ça. Parfois, on se retrouve et on s'oppose par pays du tiers-monde interposé. Mais c'est clair que, de toute façon, les Berlinois de l'Est étaient condamnés à ne plus avoir de liberté. Ils ne pouvaient pas compter sur l'intervention des Américains. Effectivement, ils ne pouvaient pas compter sur une intervention directe parce que un incident pouvait dégénérer en guerre nucléaire. Et c'est ça qu'il faut éviter. Mais... ils ont pu bénéficier de cette possibilité, par exemple, vous mentionniez le centre d'accueil de Marienfeld, qui est que si vous réussissez à passer, alors vous aurez un soutien économique, moral et autre pour vous accueillir. Donc c'est un soutien indirect, mais effectivement, dans le principe même de la guerre froide est que l'affrontement entre les deux blocs ne doit pas aller jusqu'à l'affrontement nucléaire. Ouais. Et donc, à certains moments, on négocie. On fait un pas en arrière, on trouve un compromis, mais on ne peut pas aller jusqu'au bout de certaines de certains engagements. Le discours de Kennedy, qui finit par Ich bin ein Berliner, le dit très explicitement. Quand tous les hommes seront libres, alors on pourra penser à réunifier Berlin. Alors le mur pourra tomber. Il dit très explicitement qu'il faut attendre que la liberté soit instaurée pour que l'on puisse faire tomber le mur. Donc c'est explicitement un message à la fois d'avenir. Ne regardez pas le mur actuel, mais regardez la liberté à venir. Il dit très explicitement, regardez l'avenir, pour l'instant on ne peut rien faire. Alors on dit souvent que pour les Berlinois, le mur est dans les têtes. Même quand il est tombé, il est resté dans les têtes. Alors c'est probablement une question de génération, ça va aller en s'amenuisant tout cela. Mais qu'est-ce que ça veut dire le mur est dans les têtes ? Être berlinois, c'est être imprégné de toute façon de cette réalité-là qu'on a vécue, que ses parents ont vécue. C'est une présence de la géographie et des habitudes qui se lient encore dans les paysages. Évidemment, 30 ans plus tard, c'est beaucoup moins net, mais par exemple, pendant assez longtemps, l'éclairage urbain n'avait pas la même couleur à l'est et à l'ouest. Bien sûr. Et donc, une photo aérienne ou une arrivée en avion sur Berlin, post-89, post-2000, montrait visuellement la présence, la subsistance de ces deux zones. Le décor lui-même n'est pas le même. Les réflexes sont des réflexes ou d'habitudes ou d'itinéraires prennent du temps à changer. Quand, évidemment, beaucoup de tout a été fait pour effacer physiquement le mur, sauf dans les parties de mémorial, pour conserver les traces pour qu'on puisse voir, constater ce que c'était. Mais on a effectivement reconstruit la Potsdamer-Platz et essayé de suturer les deux moitiés de la ville. Mais sur le long terme, oui, on se souvient parce que les traumatismes sont vécu, le temps qu'une génération disparaisse, oui, ça reste une mémoire collective qui se transmet. Ouais. Et aujourd'hui, les touristes le savent, le Berlin qui bouge est installé à l'endroit de ce Berlin-Est, avec ses réverbères blafards. À l'époque, le carrefour de Friedrichstrasse et Unter den Linden, par exemple, est vraiment un des cœurs de la vie berlinoise. C'est un sacré retournement d'histoire, quand même. Ou une revanche des terrains moins chers. Peut-être. C'est peut-être ça aussi. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment pour vos éclairages autour de cette histoire fascinante. Merci, au revoir.